Alors, bonsoir, chers auditeurs et chères auditrices. Vous êtes à l'écoute de l'Aérospatiale, votre magazine consacré entièrement aux arts visuels dans la ville de Québec. J'en tiens de la France avec vous pour la prochaine heure. On va parler d'arts visuels avec des belles entrevues sur des beaux projets collectifs qui s'en viennent en ville. J'en profite pour vous souhaiter bonne année et également pour souligner, je me suis rendu compte aujourd'hui qu'on a passé aujourd'hui le cap du 1000 j'aime sur Facebook. Alors, je vous remercie tous et toutes, chacun, chacune, virtuellement, de nous suivre à chaque semaine, de nous suivre sur Facebook, sur Instagram et de nous écouter parler d'art et d'aimer autant que nous les arts visuels dans la ville de Québec. En première partie d'émission, je vais recevoir les membres du collectif AM qui présentent l'exposition « Personne n'a sa place ici plus que toi. » Point. Au lieu, à partir de vendredi. Donc, une exposition qui regroupe un ensemble de dessins, comme j'expliquais à Jessica Leb avant la pause, de dessins faits sur un mode automatiste. Ce sont deux artistes qui sont issus des communautés des Premières Nations et c'est un élément clé qui sous-tend leur démarche en tant que collectif. J'aurai donc le plaisir de m'entretenir avec eux très, très prochainement. Et en seconde partie d'émission, je vais recevoir Charlotte Boisvert-Simard et Delphine Aguesbar, si sa voix lui permet, commissairie ensemble une exposition qui s'intitule « Double double », une exposition qui est présentée en marge de du Mois Multi, donc une initiative collective donc qui rassemble 6 artistes de la ville de Québec, 6 artistes de la relève en art numérique à Québec et qui explore cette notion de double au travers de différents éléments qu'on va avoir l'occasion de discuter ensemble, donc avec Sarah Booth, Delphine Aguesbar, Delphine Hébert Marcoux et Nathalie Leblanc qui sont parmi les artistes qui font partie de cette exposition. Mais pour l'instant, on va écouter une pièce audio qui nous est présentée encore une fois par Simon Roy, donc qui nous présente le collectif ad hoc Ofcom qui vient de faire paraître un album composé d'expérimentation, d'improvisation numérique, ambiante. Vous allez voir, c'est assez prenant. Donc, on va commencer par la pièce Ginny Can Rush Difference. Thank you. Alors, de retour à l'aérospatiale, j'ai avec moi en studio les deux membres du collectif AM. Donc, bonsoir A. Bonsoir. Bonsoir M. Bonsoir. Donc, je vous demandais justement, hors d'onde, vous préférez conserver l'anonymat. Oui. Est-ce que je peux savoir pourquoi? C'est un peu sur la thématique, pendant un moment, ou surtout comme dans les débuts, quand les traités ont été faits, on savait pas quand, les peuples autochtones ne savaient pas comment écrire, fait qu'ils signaient avec un X. Mm-hmm. Fait qu'on essaie de garder cet anima. C'est un peu représentatif de ça jusqu'à un certain point, mais aussi c'est pour sortir de nos pratiques individuel aussi. Oui, on trouve ça intéressant. On a chacun notre pratique individuelle qui fonctionne quand même bien. Puis à l'intérieur du collectif, c'est que ça nous permet quand même de sortir de notre zone de confort, de faire des choses qu'on ne ferait pas individuellement chacun de notre côté, puis de se laisser un peu plus aller en termes de jouer et l'approche artistique aussi. Oui, donc de se donner un peu plus de liberté par rapport à une démarche artistique qui peut être parfois contraignante. Oui, complètement. Puis souvent dans les pratiques, c'est très sérieux. Ça prend beaucoup de recherche, c'est très long, c'est fastidieux. Donc, c'est ça, à l'intérieur de AM, on se permet beaucoup plus de liberté, permet de s'amuser, puis vraiment de faire du travail complètement différent de nos pratiques personnelles. Et donc, un élément clé de ce collectif-là, AM, c'est que vous êtes tous les deux issus de communautés des Premières Nations, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Je vais avoir de la misère. C'est A-M. OK. Oui. Donc, tu viens de quelle communauté? Cree. Ma réserve est 6-7 heures au nord de Winnipeg. Je suis né à Winnipeg. C'est Opaskwayak Cree Nation. Et toi, M, tu viens de quelle communauté? Mais ma mère vient de la communauté de Kitsikandzibi, près de Maniwaki, donc au Québec. Donc, Algonquin. Oui, c'est ça, exactement. On est tous les deux métissés quand même. Mais je dois dire aussi, mon père est métis. Oui. Puis lui, ça, c'est un autre contexte. C'est sûr que j'ai choisi, vu que l'écrit, c'est matriarcal. C'est dur à choisir, mais on va dire que je suis trois corps autochtones, puis un corps... sans colonialiste. Là. Ouais. Mais il y a quelque chose de quand même très intéressant d'être à cheval aussi entre les deux identités, l'identité autochtone et l'identité du colonisateur, justement. Oui, moi, mon père est français aussi, donc souvent, c'est comme un pied entre les deux mondes, et puis c'est le français, c'est comme le colon qui est venu au Canada, qui a épousé la belle autochtone, et puis ça amène un peu cette image-là, mais... je trouve que ça permet quand même de créer des ponts entre les communautés, d'avoir un certain regard aussi sur toutes les nations. Puis notre travail est quand même beaucoup par rapport à ça. Et donc, un travail qui est le fruit de la rencontre entre vous deux. Comment, d'où est venue cette idée de fonder ce collectif-là? Où est-ce que vous vous êtes rencontrés? Parce que vous êtes de deux communautés complètement différentes, très, très éloignées l'une de l'autre, là. On a grandi dans la même région. On s'est rencontrés il y a longtemps. On parlait de plus ou moins comment sérieux que c'est être artiste, comme elle me disait par rapport à que c'est super, t'sais, c'est sérieux, il y a certaines contraintes. Puis on s'est dit que ça serait peut-être amusant de juste s'amuser, comme des enfants, un peu jouer. Mais des enfants, ça se donne des règles de jeu des fois quand ça se joue à n'importe quoi. Je sais pas, moi je jouais beaucoup au fusil quand j'étais vraiment jeune. Mais c'est un peu ça, mais on se donne des petits règlements. Puis c'est la seule contrainte qu'on a vraiment. Puis on se laisse aller, on a le droit de faire ce qu'on veut. Ouais. Bon, je pense qu'on s'est rendu compte aussi avec les années qu'on collaborait naturellement. Puis après, on s'est mis juste autour d'une table. On a commencé à dessiner, puis on dessinait presque tous les soirs. Mm-hmm. La manière dont on fonctionne, c'est que je vais commencer un dessin sur la partie d'un morceau de papier, puis on va tourner le papier. Et plus on tourne, et plus les dessins s'imbriquent l'un dans l'autre. Donc, on ne peut pas dire que le dessin est plus le mien ou le plus de A. C'est vraiment... les couches de dessin se superposent, et puis c'est vraiment chacun notre touche... personnel là-dedans. Et c'est du dessin qui est dans la liberté, dans la spontanéité. Il y a vraiment quelque chose de l'automatisme dans votre démarche. Mm-hmm. Et puis toi, M, tu me parles de cette démarche-là où vous passez le relais un peu de la construction du dessin, de la réalisation du dessin. Vous pigez quand même beaucoup dans le surréalisme où c'est quelque chose qui fait vraiment partie des cultures autochtones de créer ensemble, de créer dans la liberté de cette manière-là? Ben, faut dire que, en fait, on nous a interdit la liberté de s'exprimer. Donc, toute l'exposition, en fait, passe par ça. On est en train de se réapproprier toute forme d'expression qu'on nous a enlevée et celle d'être un enfant. C'est vrai qu'il y a eu quand même les écoles résidentielles où on a arraché les enfants de leur famille pour les mettre dans des pensionnats, où on voulait tuer l'Indien dans l'enfant et où ces enfants-là n'avaient pas forcément le droit de dessiner, de s'exprimer et d'exprimer leur culture surtout. Donc, toute l'exposition qu'on fait, c'est de se réapproprier notre culture en redevenant enfant et en passant par le dessin. Tout ce qu'on fait en tant qu'AM, c'est d'essayer de retrouver cette spontanéité, cette créativité de l'enfant que souvent on perd quand on devient des artistes professionnels ou justement parce que c'est un métier, c'est très sérieux et ça prend énormément de recherche. Quand on est enfant, on utilise une partie du cerveau qui n'est pas aussi naturelle, mettons, aujourd'hui. Donc, c'est vraiment la spontanéité, la liberté qui dicte le type de dessin qu'on fait. Et pour nous, c'est presque un acte politique. Ça a quand même un commentaire qui s'adonne que tout enfant se fait paternaliser, se fait couvrir, est élevé. On empêche l'enfant de faire ceci ou cela jusqu'à un certain point. Puis le système colonialiste, où depuis que les colons sont arrivés 400 ans, puis c'est pas plus, là. Mais c'est un peu ce message-là qu'on essaie de dire, mais en se jouant, pas en étant trop sérieux quand même, pas en étant négatif, en démontrant que tous les enfants, jusqu'à un certain point, si on les habitue à être ensemble dès un jeune âge, puis on ne démontre aucun racisme, puis aucune différenciation, puis on accepte les différenciations, quand ils vont être plus vieux, quand ils vont devenir à l'âge adulte, ils ne vont pas voir les races, les couleurs. Ils vont juste voir le fait d'avoir joué ensemble puis d'avoir partagé un moment ensemble. Fait que l'art essaie d'exprimer ça jusqu'à un certain point. C'est que c'est pas qu'on essaie de dédommager comme un gros dommage qui est arrivé jusqu'à un certain point. C'est qu'on essaie juste, par l'entremise du jeu, de faire en sorte qu'il y ait comme une expression plus libre. Puis d'enlever toute carapace ou mur où on essaie de faire justement faire tomber jusqu'à un certain point comme la romantisation par rapport à la culture. Puis nos dessins sont très abstraits. Mm-hmm. C'est presque, puis là je vais dire ça comme ça, mais c'est presque quand tu fais un dessin pour ta mère ou ton père puis il le met sur le frigidaire, tu sais, c'est mm-hmm. presque ça. Mais il y a quand même une connotation où c'est qu'on soulève l'idéation qu'on est toujours un peuple qui reste en dessous de la marge jusqu'à un certain point, qui fait en sorte qu'on essaie de s'exprimer, ouais. Mais en fait, la loi sur les Indiens considère littéralement les Autochtones comme des personnes mineures. Oui, on a complètement paternalisé les communautés autochtones et donc on est en train d'essayer de parler d'une certaine forme d'émancipation qui passe à travers le dessin depuis le début, donc de l'âge de l'enfant. Et si on parle un peu plus concrètement de l'exposition, donc là, vous avez une collection de dessins que vous avez réalisé au cours des 5 dernières années, c'est ça? Ben, mettons qu'on a commencé à dessiner ces dessins-là il y a 5 ans. Oui. Et maintenant, les dessins qu'on présente, c'est des œuvres nouvelles qui sont faites spécifiquement pour le lieu, pour cette exposition-là. Mais c'est en fait le fruit d'un travail depuis 5 ans. C'est la même technique, mais on a décidé de dessiner sur un différent médium. Mais on utilise les mêmes crayons, tout ça, les mêmes techniques. Mais qui fait en sorte que ça a plus d'un tableau plus que des dessins sur papier. Habituellement, on dessine, puis on dessine encore. Puis après ça, on se trouve un médium comme une table de cuisine qui sert à rien, puis on colle le tout, on découpe nos dessins encore, puis on les colle comme un genre de collage. Mm-hmm. On défait ce qu'on a fait dans un sens pour ça change, crée quelque chose de nouveau. Mais maintenant aussi, on a deux structures. Donc, les sculptures sont faites un peu sur ce mode-là, du dessin qui devient tapisserie? Oui, ben on a utilisé du MDF, qui est souvent utilisé pour les jouets d'enfants ou qui est utilisé pour construire les lits superposés pour enfants. En tout cas, c'est vraiment trouvé dans des chambres d'enfants. C'est un matériel de construction qui est assez accessible aussi, qui boit bien le feutre, qui marche vraiment bien avec les crayons, les stylos. Donc, on ne veut pas trop en dire parce qu'on veut que les gens viennent le voir d'eux-mêmes, mais c'est des sculptures qui sont inspirées de jeux qu'on avait quand on était petit, des structures de bois qu'on superposait. Vraiment des jeux simples qui ne coûtent pas d'argent, qui nous ont amusés puis qui nous rappellent un peu notre enfance. Et moi, j'avais une question aussi par rapport à ce processus encore d'avoir une expression très automatiste. Il y a cette idée-là aussi de contacter l'inconscient. Oui. Il y a quelque chose qui est très, très présent dans les cultures autochtones, c'est ce contact avec l'inconscient, avec les rêves, avec cette espèce de fusion entre la réalité et l'inconscient. Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de votre démarche de dessin en tant que collectif AM? Oui, je dirais que oui. Ce qui est intéressant avec votre question, c'est que c'est surtout si on allait chercher peut-être l'esprit opprimé à l'intérieur de nous jusqu'à un certain point qui est en train de s'émanciper. Puis c'est l'enfant aussi en nous qu'on a peut-être, tu sais, jusqu'à un certain point en tant qu'adulte, on pousse à terre l'enfant qui est en train pour devenir, tu sais, je sais pas moi, payer des factures, travailler puis être responsable, avoir un téléphone cellulaire. Mais qu'est-ce qui est le fun avec ça, c'est que justement, oui, on a des affinités, puis on a un contexte que je pourrais dire peut-être sur... qu'il y a une science qui est reliée à la nature. Mm-hmm. Mais c'est vraiment véritablement une science. Il y en a qui pensent que c'est un concept, c'est une idéologie, mais c'est vraiment comme une science, c'est technique. Ça va de point A à point B. C'est des zéros puis des uns. C'est pas nécessairement 1 plus 1 égale 2. C'est la connectivité entre qu'est-ce qui est vrai et non vrai. Mm-hmm. Comment qu'on fait pour savoir que quelque chose est vrai si on sait pas que quelque chose est pas vrai? Comment qu'on sait que quelque chose, on est dans la lumière si on n'est pas dans la noirceur et vice-versa? Ça. Fait que c'est vraiment de rentrer en connectivité. Mais c'est pas, on fait pas brûler du patchouli puis on met des cristaux un peu partout puis des affaires comme ça. Mais c'est juste qu'il y a comme cette connectivité-là qu'on a toujours eue. Puis je pense que c'est ça qu'on a essayé de nous enlever pour justement que les routes se bâtissent puis les autos puis tout, qu'est-ce qu'on appelle, tu sais, la civilisation puis la civilité. Mais dans le fond, on est en train de tuer la chose la plus importante. Puis on continue encore à le faire, justement. Aujourd'hui, on voit encore qu'on est dans un système colonialiste avec qu'est-ce qui se passe en Colombie-Britannique. Absolument. Fait que, tu sais, des gens armés, c'est ça qu'on faisait il y a longtemps pour empêcher, mais faire l'avancement de qu'est-ce qu'on appelle le futur. Mais il faut faire attention à tout ça. C'est à l'égard de tout le monde. C'est pas une affaire, c'est pas une leçon aussi. C'est qu'il faut faire en sorte que si nous, on pense, les enfants, c'est notre futur. Fait que si on protège nos enfants, on pense à notre futur. Si on protège qu'est-ce qu'on appelle peut-être la terre-mère, ou puis la terre, on a l'opportunité à nos enfants de grandir puis de continuer à jouer. Si on leur enlève ça pour de l'argent ou des biens qui, jusqu'à un certain point, c'est juste un sentiment de valorisation, mais matériel, ça n'apporte absolument rien. Voilà, c'est pour ça qu'on perd notre innocence quand on rentre dans ces idéologies-là. Mais je pense que l'innocence fait une grande partie de l'être humain, vieux et jeune. Il faut lui donner un sentiment d'appartenance. Sinon, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on continue à se perdre jusqu'à un certain point. Puis on se le prouve à tous les jours. Oui, c'est ça. On parle de que les prochaines générations sont la chose la plus importante pour notre civilisation. Et d'où le titre de l'exposition « Personne à sa place, ici plus que toi », on parle de l'enfant. Mm-hmm. Et donc, A parle de la nature et de la terre, etc. C'est aussi pour les prochaines générations à venir. Mais pour revenir au dessin, il y a un élément où on rentre dans une espèce de transe. Ben, pas de transe, mais il y a un côté très méditatif à dessiner de longues heures comme ça et de laisser complètement la main décider ce qu'elle fait. C'est pas réfléchi, c'est des lignes. c'est vraiment la spontanéité et l'instinct qui remplit la page. Et il y a quelque chose de très libérateur en faisant ça, et méditatif, et de laisser place à son cerveau à aller où il veut voyager. Quelque chose qu'on n'a pas tendance à faire très facilement dans nos vies très occupées de tous les jours. Donc, une expérience qui relève quasiment du spirituel, là, de la communion avec quelque chose d'autre que... Ben, on pourrait dire ça comme ça. Juste, ça fait du bien de se poser, d'arrêter, de vraiment de vider la tête complètement. Mm-hmm, on le fait jamais. On prend pas le temps de le faire. Et il y a quelque chose de très méditatif qui fait du bien à l'âme, à l'esprit, au corps, à tout, en fait. Oui, c'est le véritable... véritablement se laisser aller. Ouais. Juste se laisser aller, puis laisser le crayon faire ce qu'il y a à faire. Puis, mais véritablement, c'est juste un outil, mais c'est juste complètement se laisser aller puis s'épanouir à l'instant même. Pas de réflexion, pas de doute, pas de réflexion. C'est juste, mais c'est presque jusqu'à un certain point, si c'était le rêve ou des pensées ou quelque chose à l'intérieur de nous qu'on n'est pas connecté, qu'on ne connaît pas trop. Ouais. Je ne sais pas si tu veux rajouter. Oui, puis ça l'évolue. Donc, au début, ça commençait peut-être... moi, je faisais beaucoup de lignes droites. Et puis, tout d'un coup, le crayon a commencé à faire plus de courbes. Donc, il y a comme une évolution dans les dessins aussi. Puis... on a remarqué qu'on utilisait vraiment des couleurs, donc les dessins sont très colorés, qui est peut-être un peu différent de ce que moi j'ai l'habitude de faire dans ma pratique personnelle. Donc c'est ça va chercher d'autres côtés de notre personnalité. Ben merci beaucoup collectif AM de merci. Venir parler avec nous de cette exposition que vous êtes en train de monter. Là, je vous libère pour pouvoir aller continuer. On devrait avoir fini. Là, c'est notre première exposition sous AM. Donc, on est très excités, peu nerveux de voir quelle va être la réaction aussi. Ben, nous, on a très hâte en tant que public de voir cette exposition-là qui va débuter au lieu. Donc, le vernissage, c'est vendredi, le 11 janvier, à partir de 19h. Donc, c'est un rendez-vous. Et nous, on se quitte pour une petite pause audio avec la pièce Run Tile High Taller. We'll be right back. De retour à l'aérospatiale, il ne reste pas beaucoup de temps avant la pause, mais j'avais le goût de revenir sur le lancement de la programmation du mois multi qui a eu lieu ce matin à Méduse. Et on avait reçu deux des commissaires à l'automne, Émile Beauchemin et Jeanne Couture, et la troisième, Laurence Pélafaille, qui ne pouvait pas être avec nous. Et on avait discuté des éléments qui avaient été annoncés lors du pré-lancement. Mais il y a eu beaucoup de belles surprises qui nous donnent très, très hâte d'aller voir les événements du mois multi qui ont été dévoilés ce matin. Donc, je ne peux pas vous parler de tout ce qui va se passer. Donc, je vous invite à aller voir leur site web moimulti.org pour en savoir plus, mais j'aimerais souligner quand même quelques spectacles, quelques expositions qui ont retenu mon attention. Donc, on a la soirée d'ouverture, il va notamment y avoir Ego Trip H2O, donc une performance qui va avoir lieu avec une surface aqueuse, donc une surface d'eau. Et les visiteurs vont également avoir la permission d'expérimenter cette surface avec une installation vidéo sonore en direct là, qui va avoir lieu lors de la performance. Également, le Théâtre Rue d'Ingénierie a été invité à présenter un spectacle jeune public et il présente Alice Bricolée, donc une interprétation libre d'Alice au Pays des Merveilles qui est présentée pour le jeune public à partir de l'âge de 5 ans. Ça va être à la Maison pour la danse le 26 janvier. Donc une espèce de courte pointe à partir de différents extraits vidéo des interprétations d'Alice au Pays des Merveilles et également avec toute la créativité qu'on connaît du théâtre Rue d'Ingénierie. Également, Fred Lebrasseur qui va présenter un spectacle avec beaucoup de collaborateurs qui s'appelle L'Ensemble inachevé. Et donc, c'est à peu près tout ce que j'ai le temps de vous dire avant la pause. Je vous laisse pour la pause et au retour, je m'entretiens avec les artistes et les commissaires du projet Double-Double qui est présenté en marge justement du mois multi. CKRL, communication, culture. Le mois multi, ça le dit, c'est 6 semaines d'art multi. Audacieux, immersif, inspirant et pour tous les âges. Le mois multi, c'est plus de 30 jours de festivités regroupant 60 artistes de 6 pays, c'est 19 spectacles de performance hors du commun, 12 installations technologiques gratuites et 6 nuits endiablées à la cuisine. The sound goes way back. Prépare-toi, Québec. Le mois multi éveille tes sens du 24 janvier au 3 mars. Particules sonores. Fragments de bruit. Au début, il y a eu le son. Gaétan Gosselin explore l'univers fascinant de l'art audio avec les artistes dont la matière première est le son. La Croche-Oreille, une présentation d'Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique. Les dimanches à 21h. Une idée originale de Jean-Pierre Gay. Une femme fuit. Elle chute au fond d'une grotte. Aucune issue. Survivre à tout prix, puisque la vie est en elle. Accoucher, aimer et transmettre. Parce que l'espoir est en lui, son enfant. Lasco, pour qu'il atteigne la lumière. Le théâtre Pupulus Mordicus et le théâtre Bouche Décousue font du Périscope une caverne du 15 janvier au 2 février. À la librairie Pantoute, les livres sont testés sur des libraires. Ce mois-ci, Vicky de la succursale du Vieux-Québec vous suggère Jefferson de Jean-Claude Mourlevat aux éditions Gallimard Jeunesse. Jefferson, jeune hérisson à la vie tranquille, est accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis. Notre improbable héros devra rétablir sa réputation en menant une enquête qui l'entraînera au pays des humains. Un roman chargé d'aventures, un récit aussi intelligent que captivant qui questionne notre relation avec les animaux. Paul Albert de la succursale de Saint-Roch vous propose « Une histoire du monde en 100 objets », un ouvrage collectif piloté par l'historien Neil McGregor. Né d'un défi lancé par la BBC, ce formidable ouvrage illustré, limpide autant qu'érudit, rassemble 100 témoins matériels de la diversité de l'humanité. Ouvrir ce livre, c'est ouvrir une porte sur l'histoire comme on ne vous l'a sans doute jamais raconté. La librairie Pantoute, une librairie indépendante, des libraires passionnés et plus de 50 000 titres à vous proposer. 1100 rue Saint-Jean et 286 rue Saint-Joseph-Est. Les gagnants du concours Montre tes talents édition 2018 de CKRL, Miles Clayton de Québec, présentent leur nouvel opus Heavy Air. Heavy Air de Miles Clayton est disponible en écoute intégrale sur toutes les plateformes musicales et sur CKRL. Après cette belle pause publicitaire, nous sommes de retour à l'Aérospatiale, le magazine radio consacré entièrement aux arts visuels dans la ville de Québec. Et ça tenait sous le sens qu'on invite un collectif, une exposition, les artistes d'une exposition collective, donc des artistes qui sont tous issus de la ville de Québec, qui travaillent à Québec. Et cette exposition, c'est Double Double. Une exposition qui est commissariée par Charlotte Boisvert et Delphine Aguesport, qui est présentée en marge du Mois Multi. C'est une initiative quand même qui vient... et puis, bon, je vais vous présenter les gens que j'ai en studio. Excusez-moi, je suis un peu décousue. On a en studio Delphine Aguesport. Bonsoir. Charlotte Boisvert-Simard. Oui, bonsoir. On a avec nous également Sarah Booth. Hello. Et Nathalie Leblanc. Hello. Donc, Sarah et Nathalie qui sont des artistes de l'exposition. Et Delphine Aguesport, tu présentes également des œuvres dans l'exposition. Oui, tout à fait. Oui. Donc, c'est une initiative de vous, Charlotte, Delphine, cette exposition-là. C'est pas quelqu'un qui est allé vous chercher pour vous demander de faire une exposition, là. En fait, c'est un peu des deux. Jeanne Couture, elle nous a vraiment... elle nous a interpellés, elle nous a proposé de réfléchir à un projet qui serait en résonance avec le Mois Multi, mais en nous donnant véritablement carte blanche pour imaginer ce projet-là qui serait en résonance avec le festival. Et je pense qu'on a pris la balle au bon pour imaginer un projet qui était, somme toute, assez ouvert, mais qui permettait de réfléchir aux arts numériques. Mais on a toute une diversité de médiums aussi qui viennent se greffer à une réflexion sur l'art numérique. On a certaines approches qui sont même un peu plus sculpturales. On a une artiste aussi, Marie-Soleil Fortier, qui permet aussi une réflexion sur notre rapport avec la technologie ou avec les machines, mais pas nécessairement à travers des dispositifs électroniques. Alors, c'est vraiment très ouvert, finalement, aussi, ce qu'on voulait aborder dans ce projet-là. Mais on est dans le multi, on est dans le multidisciplinaire et on a cette réflexion autour de la notion de double. D'où vous est venue cette étincelle, cette idée de travailler le double, le dédoublement, qui est, somme toute, extrêmement présent dans notre vie quotidienne? Bien, en fait, Delphine et moi, on a commencé l'élaboration du projet cet été, puis on a commencé par chercher justement des artistes de la Ville de Québec qui avaient une approche numérique. Puis naturellement, on a trouvé des artistes qui nous intéressaient. On a rencontré ces artistes-là, puis une fois que tous ces artistes avaient accepté, on a regardé la panoplie d'artistes qu'on avait, les pratiques, puis la question du dédoublement est ressorti naturellement. Donc, nous, on n'a pas imposé une thématique. On s'est vraiment inspiré de ce qu'on avait devant nous. Puis, c'est sûr que la question du double apparaît parfois de manière très abstraite, mais parfois, c'est très concret. Parfois, on le voit là, carrément dans une espèce de traduction entre un langage vers un autre. Donc, c'est assez ouvert, mais ça nous est vraiment apparu naturellement avec la sélection d'artistes qu'on avait fait là. Donc, on est venu travailler à partir des œuvres vers une idée qui les regroupe. Et Charlotte Boisvert-Simard, tu parlais du dédoublement qui peut être très, très concret, mm-hmm. qui peut être très, très virtuel. Si on plonge un peu dans le sujet, est-ce que tu peux nous parler de différents exemples qu'on peut retrouver dans l'exposition? Delphine Aguesbar, oui. Bien, en fait, je pense que sur les 6 artistes qui sont présentés dans l'exposition, il y en a certaines chez lesquelles c'est à travers l'expérience des œuvres, à travers le déplacement à travers certaines œuvres, que cette idée-là de la distorsion du réel ou du dédoublement apparaît. Je pense à Nathalie Leblanc qui est ici présente, mais aussi à Delphine Hébert-Marcoux qui crée des installations où il y a des miroirs, où il y a des séquences qui sont filmées en direct, des séquences qui ont été filmées auparavant puis qui sont diffusées. Puis tout à coup, il y a comme une ambiguïté par rapport à ce qu'on est en train de regarder dans ces espaces-là. Mais Nathalie pourrait sûrement parler très, très bien de son travail. Elle va avoir l'occasion de le faire sûrement dans quelques instants. Mais ça, c'est des exemples à travers l'idée d'expérience, mais il y en a certaines pour lesquelles c'est à travers le médium qui est utilisé. Charlotte parlait de l'idée de la traduction. On a Caroline, entre autres, qui avait vraiment piqué notre curiosité par son travail à partir de dispositifs holographiques sur lesquels elle est en train de travailler au moment où on l'a invité à participer au projet. Puis Sarah, qui a travaillé avec des techniques de cinémagraphe où il y a juste des éléments qui deviennent comme répétitifs, mais dans une image fixe, où il y a juste un élément un peu troublant qui surgit tout à fait dans quelque chose qu'on pense saisir, mais qui n'est pas exactement ce qu'on pense véritablement regarder. Donc, des très beaux exemples. Delphine Aguesbar, tu disais que... en tout cas, j'avais donc prévu poser des questions aux artistes. On a Nathalie Leblanc ici. Donc, Nathalie Leblanc, est-ce que tu peux nous parler un peu plus en profondeur des œuvres ou de l'œuvre que tu vas exposer dans l'exposition Double-Double? Oui, c'est ça. Mais l'œuvre que je vais présenter, en fait, ça va être une installation vidéo qui va être composée autant d'images préenregistrées que d'images diffusées en simultané. Puis, c'est ça, dans le fond, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une sorte de distorsion dans l'image. Dans le fond, l'installation va être équipée d'une petite caméra qui, elle, va envoyer en streaming les images. Mais étant donné que l'utilisation d'un protocole intermittent et de différentes contraintes, mais on va voir apparaître des glitches dans l'image qu'on va voir se décomposer devant nos yeux. Puis, dans le fond, c'est cet effet-là de transformation en direct qui va être très intéressant à regarder parce que soudainement, on ne sait plus trop qu'est-ce qu'on est en train de regarder. Oui, c'est ça. Donc, il y a une espèce de confusion. Est-ce que c'est la diffusion, l'enregistrement de diffusion en direct qui est diffusé ou si c'est autre chose? Exactement. Tout ça va se mélanger un peu. Puis, c'est ça. Ça passe dans le fond d'une image qui semble bien anodine au départ, puis qui, une fois qu'il est traité comme ça par les contraintes du streaming, bien, devient carrément autre chose. Et puis, il y a quelque chose aussi du processus de la mémoire, de la remémoration aussi. On vit le présent, puis il y a des éléments du passé qui nous viennent en tête pendant qu'on vit le présent. Ah oui, mais dans le fond, ça peut ouvrir vraiment à toutes sortes d'interprétations là, comme œuvre, dans le fond, parce que justement, on ne saisit pas trop qu'est-ce qui se passe. Puis, il y a plusieurs zones floues comme ça qui fait soit penser à un moment d'effondrement ou de décomposition ou d'éclatement. Donc, justement, ça peut nous faire raviver différentes souvenirs. Parce que quand on pense au double, moi ben, quand je pense au double, je peux penser, par exemple, à l'inquiétante étrangeté de Freud. Mm-hmm. Freud qui a élaboré cette notion-là à partir d'un moment où il a vu sa propre réflexion dans un wagon de train et qui s'est demandé qu'est-ce qui se passe, mm-hmm. qu'il y a eu cette espèce de trouble d'inquiétante étrangeté. Donc, ça doit être quelque chose qui est quand même assez... qui pourrait faire partie de l'expérience qu'on vit dans l'exposition Double-Double. Mm. Oui? Ben oui, absolument, parce que je pense qu'il y a plusieurs des œuvres qui fonctionne par l'idée du déplacement. Dans l'idée, là, c'est sûr qu'on n'a pas encore travaillé tout à fait la mise en espace, mais je pense que ça va peut-être être un élément qui va être en jeu, même dans ta proposition, Nathalie, là, l'idée que peut-être que les différentes séquences qu'on voit seront peut-être pas nécessairement groupées ensemble, ou peut-être le seront, mais il y a toujours, il y a souvent un élément de doute, justement, mm-hmm. Par rapport à ce qu'on est en train de regarder. Puis tu parlais du reflet, mais il y a cette idée-là aussi... dans certaines des œuvres, de créer une copie ou de créer, c'est ça, un autre objet ou d'opérer cette traduction-là d'un médium à un autre et de nécessairement, par cette traduction-là, de créer une chose qui est équivalente mais qui n'est pas la même chose. Mm-hmm. Si on revient, disons, à ces hologrammes-là, par exemple, sur lesquels Caroline travaillait à ce moment-là, on avait l'impression qu'elle travaillait à partir d'objets de céramique avec lesquels on était familier, mais tout à coup, on le voyait de manière virtuelle, dans des volumes qui, en fait, étaient pas du tout tangibles, mais qu'on pouvait un peu reconnaître. Donc, j'ai l'impression que c'est souvent ça qui se manifeste, là, l'idée d'un double, mais qui... et c'est pour ça qu'on voulait jouer avec l'idée du double au singulier et double au pluriel aussi, pour venir installer un peu cette idée-là de la pluralité de plusieurs choses qui sont identiques, mais qui ne le sont pas vraiment. Oui, parce que quand on dédouble, il y a toujours la potentialité de dédoubler comme ça à l'infini. Là. Il y a cette idée-là. Donc, on se laisse sur cette idée-là. On prend une petite pause avec la pièce « To be tuned in chatch ». Et au retour, on continue cet entretien avec les artistes et les commissaires de l'exposition « Double Double ». De retour en studio avec les commissaires et quelques artistes de l'exposition Double Double qui va avoir lieu à la fin du mois de janvier sur la rue Saint-Joseph. Et on a parlé un peu des différentes idées, des différentes opérations mentales qui pourraient y avoir lieu dans l'exposition. Mais j'ai le goût qu'on parle un peu plus concrètement des artistes, des œuvres qui vont être présentées. Donc, Delphine Eggersbach, je te lance. Est-ce que tu peux nous présenter une des artistes qui va faire partie de l'exposition? Oui, on pourrait commencer avec Marie-Soleil Fortier, qui n'est pas avec nous ce soir, mais qui travaille beaucoup à partir de la relation entre l'humain, l'environnement, la technologie, la machine. Moi, quand je l'ai rencontrée, Marie-Soleil, quand j'ai étudié avec elle, parfois, elle fabriquait des petits dispositifs comme des haut-parleurs ou des petits sinusoïdes pour expérimenter différents phénomènes assez abstraits de la physique, de l'électricité, mais comme pour se les approprier, pour les comprendre véritablement à très petite échelle par la main. Puis elle constitue aussi souvent des bibliothèques de carnets, de notes, de schémas, justement, à travers lesquels elle s'approprie différents phénomènes comme ceux-là, plus larges, plus grands qu'elle. Puis dans des dessins, parfois, elle traduit justement cette relation-là du corps ou de l'humain à des phénomènes ou à des modes d'appréhender le territoire dans des opérations, par exemple, comme déplacer des montagnes, par exemple. Et dans le contexte de l'exposition, elle nous permet vraiment de poser un regard sur notre rapport à la technologie, à la machine. C'est beaucoup une proposition qui va s'articuler autour du texte, de différents extraits de textes qu'elle a glanés dans des encyclopédies, dans des ouvrages plus philosophiques, plus artistiques, qu'elle a rassemblés dans un objet qui va rappeler à certains égards différentes stratégies qui ont été utilisées même dans l'histoire pour écrire ou différentes technologies comme l'impression, par exemple. Donc, je pense qu'il va vraiment y avoir une très grande résonance de cet objet-là dans l'espace, mais qui va être dans un rapport plus intime à chacun de nous. On va vraiment pouvoir s'approcher puis lire ces extraits-là qu'elle a minutieusement choisis et rassemblés ici pour proposer une réflexion sur notre rapport à la machine. Et au geste de l'écriture, au geste de la lecture. Très, très intriguant. Et Caroline Belzile Normand va également faire partie de l'exposition. Charlotte, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien, c'est sûr que Delphine en a déjà un peu parlé tout à l'heure. Mais d'abord, nous, on avait eu un gros coup de cœur là, pour son exposition à la bande vidéo il y a quelques années. On avait adoré ses céramiques. Je parle au « on » parce que je pense que c'était commun comme coup de cœur. On avait adoré ses céramiques, puis on avait découvert ses gifs ou ses hologrammes par la suite. C'est vraiment... c'était un univers coloré qui nous fascinait. D'ailleurs, Caroline dit qu'elle a une posture de frivolité là, par la métamorphose ou par la critique de la méthode scientifique. Donc, son univers nous fascinait vraiment. Puis, dans le contexte de l'exposition, elle va interpeller le corps ou des parties du corps de manière matérielle, immatérielle ou même conceptuelle. Ça va se faire à travers la céramique, le mobilier, l'animation, le sonore et le web. Donc, ça va vraiment se démultiplier dans une section de l'exposition qui va vraiment lui être dédiée. Donc, Caroline qui va traiter majoritairement... en fait, elle va traiter du corps féminin, de la présence du corps parfois fantasmé et de la chair du corps. Donc, vraiment cet univers-là qui va être présenté dans le contexte de double-double. Donc, vraiment un univers très, très multi pour Caroline Belzile-Normand. Et Sarah Bout, on va profiter de ta présence pour te demander, toi, c'est quoi que tu vas présenter dans l'exposition double-double? C'est une très bonne question. J'ai été approchée par les filles sur un petit côté que je présente moins dans les expositions, que j'ai un côté plus où je m'amuse, des gifs, de l'animation. J'expose pas beaucoup dans mes expos parce que je sais pas comment l'exposer souvent. Où j'essaie de l'introduire dans mes expos, mais c'est pas des animations ou des petits gifs, je le fais moins. Puis, il y a un mot, Nathalie, que j'ai bien aimé, glitch. Je vais oser le dire aussi, mais souvent, les petites vidéos qui ont été accrochées par Charlotte et Delphine, il y avait des petits glitchs souvent dans les vidéos qui m'envoyaient, qui les intéressaient. Je vais partir de là. Puis j'ai travaillé avec Léa Ratchish-Légaré, une fille qui est dans un de mes collectifs de danse multi. J'ai travaillé avec pour prendre des vidéos puis faire des dessins animés. Puis cette année, en 2019, ça va être plus sculptural, mélangé avec de la vidéo. Donc, c'est pas mal ça que je peux dire pour l'instant. Mais c'est ça, ça va être sculpture et projection vidéo. Et bien sûr, le corps est aussi présent tout le temps. C'est sûr que le corps est toujours présent dans la pratique, mais dans une exposition comme Double-Double qui va être présentée, il y a quelque chose aussi de très, très près de l'expérience corporelle de l'exposition avec des arts multi, des arts numériques. qui sont mélangés, couplés avec d'autres arts. Donc, Delphine Gusbar, est-ce que tu veux nous présenter un autre artiste qui va faire partie de l'exposition? Oui, Delphine Hébert-Parcoux, car nous sommes deux Delphines dans cette équipe. Delphine Hébert travaille très souvent avec des panneaux perforés qu'elle dispose dans l'espace à la fois pour créer des divisions architecturales, mais elle se sert aussi de ces panneaux-là comme écran. Et étant donné qu'ils sont perforés, c'est des écrans qui laissent filtrer l'image qui souvent est reprojetée sur un mur à l'arrière. Elle va probablement exploiter un espace un peu particulier du local au 144 Saint-Joseph, où on retrouve des anciennes divisions architecturales, où on retrouve même des ouvertures de fenêtres. Donc, elle va fort probablement s'arrimer à ces divisions-là un peu préexistantes dans le lieu, venir y ajouter certaines divisions. Fait qu'on va vraiment devoir parcourir l'envers et l'endos, je dirais, de cet écran-là qu'elle va disposer. Puis elle travaille souvent avec des miroirs aussi. Puis comme je le disais un peu plus tôt, avec des séquences qui sont filmées sur place, mais durant le montage, des séquences après ça qui sont aussi prises en direct, qui sont reprojetées en direct. Donc il y a vraiment, dans ces installations vidéo, une complexité un peu dans notre rapport à l'espace qui se déploie, parce que on est comme devant une superposition d'images qui sont étalées dans le temps, mais qui sont rassemblées dans un même lieu. Donc, il y a vraiment un rapport assez complexe à ce qu'on est en train de regarder puis de parcourir dans ces installations. C'est vraiment quelque chose qui est à voir et à vivre, là, vraiment, mm-hmm. pour saisir son travail. Et finalement, Delphine Gusbar, tu es à la fois co-commissaire et artiste dans l'exposition. Est-ce que tu peux nous glisser un mot sur ce que tu vas présenter à Double-Double? Oui, absolument. Étant donné que Jeanne m'avait d'abord interpellée comme artiste pour réfléchir à ce projet-là, j'ai décidé d'aller de l'avant en présentant aussi mon travail dans le contexte de l'exposition. Puis étant donné que je travaille beaucoup avec la photographie, en fait, puis à partir de la photographie en général, puis je travaille depuis quelques années à partir d'un lot d'archives photographiques de ma famille. Et il m'est apparu cet été, alors que je travaillais sur un autre projet, que j'étais vraiment fascinée par les mains des personnes qui posaient dans la photographie, qui étaient posées sur la table, puis qui faisaient juste quelques légers mouvements d'une photographie à une autre. Puis les mains, c'est un peu un élément assez majeur là, dans les portraits photographiques, mais dans les portraits peints aussi. Mais les mains, ça peut complètement venir changer l'atmosphère que dans un portrait photographique. Alors, je suis passée à travers des dizaines et des dizaines de photographies, puis j'ai isolé toutes ces mains-là et j'ai décidé de les rejouer. Mais de les rejouer avec seulement cette main-là qui est présentée isolée, qui devient presque comme un personnage, parce qu'elles ont chacune une attitude un peu particulière, parfois un peu étrange, parfois un peu tendue, parfois très, très détendue. Mais j'ai vraiment l'impression que ces mains-là deviennent le personnage lui-même, puis ils vont être placés dans une mosaïque vidéo dans l'espace. Donc, cette exposition-là, Double-Double, va être présentée à partir du 25 janvier au 644 rue Saint-Joseph-Est, et ça va se poursuivre jusqu'au 10 février. Donc, le vernissage est à... Le 25, donc le vendredi soir, dès 5h. OK, à 17h. Et ça regroupe les œuvres de Nathalie Leblanc, Delphine Hébert-Marcoux, Marie-Soleil Fortier, Delphine Gusbar, Sarah Baute, Caroline Belzile-Normand, toutes des filles, toutes de Québec. Et c'est un commissariat de Charlotte Boisvert-Simard et Delphine Gusbar. Donc, c'est un rendez-vous. Là, je vais vous le rappeler. Inquiétez-vous pas, chers auditeurs, chères auditrices. Quand ça va venir, je vais vous le rappeler de ne pas manquer cette exposition-là. Et pour l'instant, on va prendre une petite pause audio avec un extrait de To Be Tuning Cash, non, pardon, de Zero Splash 22. Et au retour, je vous présente ce qui se passe dans le monde des arts visuels à Québec cette semaine. Thank you.